le 89.1, la radio culturelle à Québec. Web Musique, c'est Simon Roy qui est en votre compagnie. Ce soir, il faut que je vous avoue que j'ai pas eu le temps de préparer mon émission. J'ai passé un merveilleux festival off, donc j'ai vraiment pas eu le temps de préparer l'émission. Mais je vais quand même vous faire jouer de la musique ce soir. Donc, je vais débuter tout de suite avec trois artistes qui sont sur l'étiquette Mimi Records. Donc, une étiquette qui vient du Japon et du Portugal. On va débuter avec Cubic, c'est l'alias de Victor Afonso. Je vous fais entendre sa pièce Chicken's Death. Cubic qui vient de Guarda au Portugal. Puis ensuite de ça, on va entendre Daily Misconceptions, la pièce Ingi. Daily Misconceptions qui viennent du Portugal. Et enfin, on va entendre Tsuyoshi Nakamura, la pièce 1964. We'll be right back. d'entendre Tsuyoshi Nakamura, sa pièce 1964. Avant ça, on entendait Daily Misconceptions, un groupe qui vient du Portugal. C'était la pièce Ingi. Puis on avait débuté Web Music avec Cubic, un artiste qui vient de Guarda au Portugal. C'était sa pièce Chicken's Death. Tous ces artistes-là étaient sur l'excellente étiquette Mimi Records, une étiquette qui nous vient du Japon et du Portugal. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces entendues à l'émission. Pour ça, ben, vous vous rendez sur le blog de l'émission qui est au www.webmusic.org. Donc, vous pouvez avoir accès aux pièces que vous entendez. Vous pouvez les télécharger et les partager avec vos amis. Tout ça est légal parce que c'est des pièces qui sont sous licence Creative Commons. Donc, on va poursuivre Web Music avec un artiste des États-Unis qui s'appelle Mad EP. Je vous fais entendre sa pièce Eusebius Reprise. Puis ensuite de ça, la pièce Hoods, deux pièces qui se retrouvent sur l'excellent album Rome Restless. Donc, c'est sur l'étiquette Acroplane Recordings. Yeah. Vous venez d'entendre la pièce Moon Up, précédée par la pièce Shogun Showdown. C'est par l'artiste Black Daylight, un artiste de Chicago. C'était sur l'album Attack of the Extravagant Minimalism. Donc, c'est sur l'excellente étiquette allemande Stiga Music. Avant ça, ben, on entendait deux pièces de l'album Rome Restless par l'artiste Mad Hippie. On avait entendu Hoods et on avait débuté avec Eusebius Reprise. Donc, ces deux pièces-là se retrouvent sur l'album Rome Restless, comme je vous disais, c'est sur l'étiquette Acroplane Recordings. Nous, on va faire une courte pause, puis je vous reviens tout de suite après. Voici quelle doit être la prière de chaque jour. Portez un regard sur Québec, parlez de l'aspect communautaire, politique, environnemental. Ici Raymond Poirier. De quoi parlez-vous? Parlez des dossiers chauds et des grandes questions. Mais on ne me demande pas mon avis. Bref, dressez une revue de presse critique, analytique. Le tout saupoudré de culture, de musique, de dégustation. Il n'y a pas de barrière. Vous le dites très bien. Avant 9h, tout est possible, du lundi au vendredi, de 7h à 9h. Je trouve qu'on ne doit pas compliquer les choses. On ne doit pas parler de choses abstraites. Actualité, société, culture, chronique, entrevue, réflexion. Vous les avez connus? Il faut pas avoir peur de mélanger tout ça. Oui, c'est très beau, mais ce n'est pas du cinéma. Suzanne, Denis, Michel, Julie, Mario, Alexandre, Jean-Sébastien, Patrick, Yannick, Olivier, François. Ils sont une centaine sur nos ondes, et cet été, ils vous attendent. Jusqu'à la fin août, votre station préférée se met aux couleurs de l'été. Une programmation différente, toujours aussi passionnante. Soyez au rendez-vous. Cet été, c'est à CKRL qui fait chaud. La radio culturelle à Québec. La radio culturelle à Québec. De retour à Web Musique, c'est toujours Simon Roy qui est avec vous. Donc, je vous présente cette fois-ci un artiste qui s'appelle Drama Jacqua, un artiste qui vient de la République tchèque. C'est sur l'excellente étiquette Phonotactics, une étiquette que j'adore, une étiquette qui vient du Portugal. Donc, je vous fais entendre sa pièce Avoir coulé, puis il y a aussi sa pièce Vélo. Donc, deux pièces qui se retrouvent sur son album Puo et Mixa. Donc, vous allez entendre un genre de sampling de chanteuse asiatique. Vous allez voir, c'est très bon. Thank you. We'll be right back. Vous avez entendu la pièce Vélo précédée par la pièce Awar Kouli. C'était par l'artiste Drama Jaqua, un artiste qui vient de la République tchèque. C'était sur l'étiquette Phonotactics, une étiquette qui nous vient du Portugal. On va poursuivre avec un peu de digital laptop reggae, donc du reggae fait seulement à partir d'ordinateurs portatifs. Vous allez voir, c'est des bons remixes. Vraiment du bon dub, donc dub un peu reggae. On va débuter avec Blue Vitriol, un artiste qui vient de Oakland en Californie. Puis je vais vous faire passer sa pièce Cryo Volcano. J'ai aussi ajouté une vidéo sur le site de l'émission, donc vous pouvez voir un peu qu'est-ce que ça donne côté vidéo. Puis ensuite de ça, je vous présente l'artiste Ras Amerlock, sa pièce Space Buccaneer versus The Slaughter. Donc, Ras Amerlock qui vient de Milwaukee au Wisconsin. On écoute tout de suite Blue Vitriol. Thank you. De Digital Laptop Reggae pour vous. C'était Ras Amarlock, un artiste qui vient de Milwaukee au Wisconsin. C'était sa pièce Space Buccaneer versus The Slot. Puis avant ça, on entendait Blue Vitriol avec sa pièce Oakland, Creo Volcano. Donc ces deux artistes-là se retrouvent sur l'excellente étiquette Jatari. Ils ont plein de reggae, plein de dub. C'est une étiquette vraiment originale avec une espèce de d'imagerie un peu 8 bits, donc une étiquette vraiment intéressante. On va terminer l'émission avec une pièce de Das Kraftfutter Mischwerk, la pièce Striem. C'est sur l'excellente étiquette A Quiet Bump que je vous recommande. Ils ont toujours plein de trucs vraiment originaux, des trucs qu'on n'entend pas ailleurs. Donc, c'est une étiquette qui est vraiment, mais vraiment intéressante. Donc, c'est tout pour Web Music. Je vous rappelle que les pièces que vous entendez à l'émission, bien, c'est possible de les télécharger. C'est rien de plus simple. Donc, vous vous rendez au www.webmusic.org et vous avez accès à toute cette bonne musique gratuite. Donc, tout de suite après moi, c'est le Père François avec le jour du Seigneur. Je vous invite à rester sur nos ondes pour écouter ça. Puis, ben, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 20h30 pour une autre émission de Web Music. Bonne nuit. entendre cette semaine au Cercle. Le 16 juillet, c'est le Festival d'été de Québec au Cercle avec Linus, Grand Analog et Ezekiel. Le 17 juillet, c'est Think About Life et Tuma. Ce 18 juillet, c'est au tour de l'électronica tropical techno de Damien Schwartz avec Alexander et Saint-Michel. Oh my God, why? Et ce lundi 20 juillet, ne ratez pas l'occasion de découvrir l'excellente formation de King Can et leur barbecue show. Entrez gratuitement avec votre macaron du Festival d'été. 228 rue Saint-Joseph. Le Réunion Cercle.ca. C'est quand même.